Il me faudra déesse, dieu de mythe, idole, alcool, babiole et rite. Mais il me faudra déesse, babiole. Sans les oiseaux, oiseaux dans le ciel, hirondelles sous les toits, dans leur niche. Quatre marabouts, quatre derviches. Si je dois caisser ma pipe, car ceci est une pipe. Il me faut une sœur pour me faire un couteau divers, bibelot, pied de biche, trémolo, asticot. Il me faut une sœur pour me faire un couteau. Si je dois caisser ma pipe, car ceci est une pipe. Si je dois caisser ma pipe, car ceci est une pipe. Un arbre ou un poteau, de quoi me tenir en attendant Godot. Une encoche au cul de mes flèches, si je dois casser ma pipe,